un petit village, comme sorti d'un autre âge, où vivent des êtres heureux, des rebeuilleux, comme le font les fleurs des arbres de la place de la mairie. Ils mélangent leurs âmes et tous ensemble ils crient Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux, Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux. Partout ailleurs c'est la crise, tous les gens ont peur, mais ici notre devise, c'est qu'il n'y a que de rire qu'on meurt. Certains l'ont bien compris, et ici se réfugient, comme une arche de Noé, Anne Mouton, Lama Poney. Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux, Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux. Si vous aimez danser, faire la fête et rigoler, rendez-vous au petit Malois, y a tout plein d'amour, de joie, comme à la Croix Margot, au village et à Haute-Beu, ou dans la rue de Lupire, on entend souvent ceci. Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux, Abe, soyons heureux, Abe, tout est merveilleux. Cette chanson doit s'arrêter, car ensemble à l'unisson, on pourrait se faire repérer, ce serait pas la solution. Car c'est quand même bien sympa d'être tous ensemble là, comme des privilégiés, de chanter sans s'arrêter. Abe, soyons heureux.